Voilà les Anglais qui tirent à poudre pour appeler à leur secours, et voilà le feu dans le vaisseau. Les Anglais sautaient dans nos barques comme dans les leurs. Notre petite flottille poursuivit leur gros bâtiment. Il fallait voir tous ces petits carlins après des gros dogues. C'était curieux. Les Anglais voulurent revenir à la charge, mais ils furent mal reçus. Nous étions en règle. Nos petits bateaux faisaient des dégâts. Tous les coups portaient, et leurs bordées passaient par-dessus nos péniches. Nous eûmes l'ordre de rentrer dans le port pour faire une grande manœuvre sur toute la ligne. Jamais on n'avait vu 150 000 hommes faire des feux de bataillon. Tout le rivage en tremblait. Tous les préparatifs se faisaient pour la descente. C'était un jeudi soir que nous devions mettre à la voile pour arriver sur les côtes d'Angleterre le vendredi. Mais à 10 heures du soir, on nous fit débarquer sac au dos et partir pour le pont de briques pour déposer nos couvertures. C'étaient des cris de joie. Dans une heure, toute l'artillerie était en marche pour la belle ville d'Arras. Jamais on n'a fait une marche aussi pénible. On ne nous a pas donné une heure de sommeil, jour et nuit en marche par peloton. On se tenait par rang les uns aux autres pour ne pas tomber. Ceux qui tombaient, rien ne pouvait les réveiller. Il en tombait dans les fossés. Les coups de plat de sabre n'y faisaient rien du tout. La musique jouait. Les tambours battaient la charge. Rien n'était maître du sommeil. Les nuits étaient terribles pour nous. Je me trouvais à la droite d'une section. Sur le minuit, je dérivais à droite sur le penchant de la route. Me voilà renversé sur le côté. Je dégringole et je n'arrête qu'après être arrivé dans une prairie. Je n'abandonnais pas mon fusil, mais je roulais dans l'autre monde. Mon brave capitaine fit descendre pour venir me chercher. J'ai été brisé. Ils prirent mon sac et mon fusil et je fus bien réveillé. Lorsque nous fûmes sur les hauteurs de Saverne, il fallut prendre des voitures pour les dormeurs. Arrivés enfin à Strasbourg, nous trouvâmes l'empereur, qui nous passa la revue le lendemain et distribua des croix. De nuit, nous rétablirent. Nous passâmes le Rhin et nous marchâmes à grande journée sur Aubourg, et de là sur Ulm, où nous trouvâmes une armée considérable, qu'il fallut repousser au-delà d'une forte rivière, avant de parvenir à un couvent sur une hauteur imprenable. Le maréchal Ney, dans l'eau jusqu'au ventre de son cheval, faisait rétablir le pont, malgré la mitraille. Les sapeurs tombaient et cet intrépide Ney ne bougeait pas. Aussitôt la première travée posée, les grenadiers et voltigeurs passèrent pour soutenir les sapeurs. Le maréchal revint au galop près du prince Murat, lui prend la main, disant « Le pont est fini, mon prince, j'ai besoin de vous pour me soutenir. » « Je pars de suite, dit-il, avec ma division de dragons. » Le voilà parti au galop. Le temps était si horrible que le pont était inondé. On ne le voyait plus. Nous étions près de cette rivière, dans un pré. L'eau nous gagna. Elle nous monta jusqu'aux genoux. Il fallait voir la garde barboter comme des canards, tout le monde de rire et de se promener dans l'eau. J'avais la marmite sur mon sac. Elle n'était pas renversée. Elle se remplissait d'eau. Je la versais dans les jambes de mes camarades. Nos canons de fusil se remplissaient aussi. Nous ne pouvions pas changer de position. Tout le corps du maréchal attendant que l'eau diminue pour passer. Les soldats étaient dans la boue. C'est encore nous qui étions les mieux placés. Voilà l'eau qui diminue. On voit les planches du pont. Les troupes s'arrachent de la boue et se lavent les jambes en passant sur le pont. Nos canards sortent du pré à leur tour. Et les colonnes arrivent au pied de cette montagne monstrueuse, défendue par des forces considérables. Mais rien ne put résister au maréchal Ney. Arrivé au village d'Elchingen, il le fait attaquer. Les maisons l'une après l'autre, avec les enclos entourés de murs qu'il fallait escalader. Ce village extraordinaire fut pris à la baïonnette, et nos colonnes arrivèrent au couvent tout en haut du bourg. L'empereur nous fit alors monter au pas de charge pour finir de renverser l'armée du général Mack. Les Autrichiens se battirent en déterminés. Derrière ce village, ce sont des plaines où l'on peut manœuvrer, un peu boisées, et la chaîne de montagnes se prolonge, depuis le couvent jusqu'en face d'Ulm. On ne laissa pas l'ennemi un moment tranquille. Murat se couvrit de gloire dans ses belles charges, et le maréchal Ney ne s'arrêta que devant Ulm. L'empereur fit cerner la ville de toutes parts, et nous donna enfin le temps de nous faire sécher. Le malheur voulut que le feu prît à une jolie maison bourgeoise. Il ne fut pas possible de la sauver. L'empereur dit, dans sa colère, « Vous la paierez. Je vais donner 600 francs et vous donnerai un jour de votre paix. Que cela soit versé de suite au propriétaire de la maison. » Nos officiers faisaient la grimace. Mais il fallut passer par là, et la garde a une maison dans ce village. Le propriétaire a fait une bonne journée, car il a reçu une somme considérable. l'empereur fit sonner le général Mack, qui se rendit prisonnier de guerre le 19 octobre. On donna les ordres pour partir le lendemain à 5 heures du matin. Toute la garde se porta au pied de Michelberg, en face d'Ulm. L'empereur se plaça sur le haut de ce pain de sucre et fit faire un bon feu. C'est là qu'il brûla sa capote grise. Toute sa garde était autour de lui, et 50 pièces de canon braquées sur la ville. J'étais de garde sur le Mamelon, près de l'empereur, qui parlait au comte Hulin, général des grenadiers à pied. Tout à coup, on voit sortir de la ville d'Ulm une colonne qui n'en finissait pas, et arriver en face de l'empereur, dans une plaine au bas de la montagne. Tous les soldats avaient passé leur giberne sur leur sac pour se débarrasser en arrivant au lieu de désarmement. Ils jetaient les armes et les gibernes dans un tas en passant. Le général Mack à leur tête vint remettre son épée à l'empereur, qui la refusa. Tous ses officiers et généraux gardèrent leur épée et leur sac, et qui s'entretint avec les officiers supérieurs fort longtemps. Cette sortie dura bien 4 à 5 heures. Il y en avait 27 000, et la ville était pleine de blessés et de malades. Nous fîmes notre entrée dans Ulm au cri de tout le peuple. Les officiers furent renvoyés dans leur pays sur parole de ne pas prendre les armes contre la France, et l'empereur nous fit une proclamation. Le lendemain de la reddition d'Ulm, Napoléon partit pour Hobourg avec toute sa garde. On fit des marches forcées pour arriver à Vienne. Des marches de 18 et 20 lieues par jour, c'était la ration du soldat. Aussi, il disait, notre empereur ne se sert pas de nos bras pour faire la guerre, mais de nos jambes. Lorsque l'empereur apprit que le prince Ferdinand s'était sauvé d'Ulm avec sa cavalerie, il fit partir le prince Murat et les grenadiers d'Oudinot à leur poursuite. Nous les rencontrâmes à 10 lieues de chemin. Ce n'étaient que voitures, canons, caissons et cavalerie. Ils avaient pris la moitié de leurs armes avec 4 000 chevaux. Les routes étaient couvertes de prisonniers. Nous étions partis à minuit pour rejoindre les avant-gardes, et il fallait traverser les troupes qui se trouvaient sur la route, sans les déranger de leur chemin, sur les côtés de la route. Il fallait prendre le milieu, dans la boue, et traverser des colonnes de 2 lieues. Nos grenadiers faisaient des enjambées d'une toise et dépassaient 2 soldats à chaque pas, et moi, avec mes petites jambes, je trottais pour suivre mes camarades. L'empereur dormait dans sa voiture, et lorsqu'il s'arrêtait, il fallait monter la garde, et les corps d'armée passaient. Lorsque ses troupes avaient fait 15 lieues, l'empereur repartait à son tour. Il nous fallait mettre sac au dos et avaler tout le trajet, toujours la nuit. Nous ne pouvions voir ni ville ni village. Heureusement, les Russes nous attendaient. Les grenadiers d'Oudinot, avec le maréchal Lannes et Murat, firent connaissance. Ça nous donna le temps d'arriver à Linz, un peu à gauche de la grande route de Vienne. Cette ville est adossée à de fortes montagnes, et le Danube passe au pied, entre des rochers. Il est si serré qu'il s'est fait jour dans les fentes des rochers. Ce torrent fait frémir. Nous passâmes 2 jours. Il arrivait des princes envoyés de Vienne, puis un aide de camp du maréchal Lannes, annonçant que les Russes étaient battus. Le lendemain, l'empereur partit au galop. Il était maussade. « Ça ne va pas bien, » disaient nos chefs. « Il est fâché. » Il donne l'ordre de partir sur le champ pour Saint-Polten. Avant d'arriver, à gauche, se trouvent des montagnes boisées très hautes. Il y avait là un corps d'armée campé. Puis nous partîmes pour Schönbrunn, résidence de l'empereur d'Autriche. Ce palais est magnifique, avec des forêts entourées de murs et remplies de gibier. Nous restâmes quelques jours pour nous reposer. Les carrosses venaient de Vienne. On faisait la cour à Napoléon pour qu'il ménageât la ville. Les corps d'armée arrivaient sur tous les points. Celui du maréchal Mortier avait souffert beaucoup. Il resta en réserve pour se rétablir. L'empereur ne perdit pas grand temps. Il donna ses ordres pour que sa garde se mît en grande tenue, et il se mit à sa tête pour traverser cette grande ville aux acclamations d'un peuple en joie de voir un si beau corps. Nous passâmes sans nous arrêter. Nous arrivâmes près des ponts, à une petite distance des faubourgs, dans des endroits boisés, où ils se trouvent un peu masqués. Le grand pont en bois est superbe. Nous nous disions, mais comment se fait-il que les Autrichiens nous aient laissé passer sur un aussi beau pont sans le faire sauter? Nos chefs nous dirent que c'était un tour de finesse du prince Murat, du maréchal Lannes et des officiers du génie. Nous allâmes coucher dans des villages tout dévastés, par un temps terrible de neige. L'empereur prit le devant. Il se porta aux avant-postes pour visiter ses corps d'armée. Et de là, il se remit en route pour Brunn, en Moravie, où il établit son quartier général. Nous ne pouvions pas le rattraper. Cette marche était des plus pénibles. Nous avions 40 lieues à faire pour le rejoindre. Nous arrivâmes le troisième jour à abîmer de fatigue. Cette ville est belle. Nous eûmes le temps de nous reposer. Nous étions près d'Austerlitz. L'empereur allait faire des courses tous les jours sur la ligne et revenait content. Nous le voyions joyeux. Les prises de tabac faisaient leur jeu. C'était la preuve de sa joie. Et ses mains derrière son dos, il parlait à tout son monde. On donne l'ordre de nous porter en avant près des montagnes de Pratzen. Devant nous, une rivière à franchir, mais elle était si gelée qu'elle ne fit aucun obstacle. Nous campons à gauche de la route des montagnes de Pratzen avec les grenadiers d'Oudino, à droite, la cavalerie derrière nous. Le 1er décembre, à 2 heures, Napoléon vient faire visite avec ses maréchaux, à notre front de bandière. Nous étions à manger du cotignac, nous en avions trouvé des pleins saloirs dans les villages, et nous faisions des tartines. L'empereur se mit à rire. « Ah, dit-il, vous mangez des confitures, ne bougez pas. Il faut mettre des pierres neuves à vos fusils. Demain matin, nous en aurons besoin. Tenez-vous prêts. » Les grenadiers à cheval amenaient une douzaine de gros cochons. Ils passèrent devant nous. Nous mîmes le sabre à la main, et tous les cochons furent pris. L'empereur de rire. Il fit la distribution. 6 pour nous et les 6 autres pour les grenadiers à cheval. Les généraux se firent une pinte de bon sang, et nous eûmes de quoi faire de bonnes grillades. Le soir, l'empereur sortit de sa tente, monta à cheval pour visiter les avant-postes avec son escorte. C'était la brune, et les grenadiers à cheval portaient 4 torches allumées. Cela donna le signal d'un spectacle charmant. Toute la garde prit des poignées de paille après leur baraque et les allumèrent. On se les allumait les uns aux autres, une de chaque main, et tout le monde de crier « Vive l'empereur !» et de sauter. Ce fut le signal de tous les corps d'armée. Je peux certifier 200 000 torches allumées. La musique jouait et les tambours battaient au champ. Les Russes pouvaient voir de leur hauteur, à plus de 100 pieds, 7 corps d'armée, 7 lignes de feu qui leur faisaient face. Le lendemain de bon matin, tous les musiciens eurent l'ordre d'être à leur poste, sous peine d'être punis sévèrement. Nous voici au 2 décembre. L'empereur partit de grand matin pour visiter ses avant-postes et voir la position de l'armée russe. Il revint sur un plateau au-dessus de celui où il avait passé la nuit. Il nous fait mettre en bataille derrière lui avec les grenadiers d'Oudino. Tous ses maréchaux étaient près de lui. Il les fit partir à leur poste. L'armée montait ce mamelon pour redescendre dans les bas-fonds, franchir un ruisseau et arriver au pied de la montagne de Pratzen, où les Russes nous attendaient le plus tranquillement du monde. Lorsque les colonnes furent passées, l'empereur nous fit suivre le mouvement. Nous étions 25 000 bonnets à poil et des gaillards. Nos bataillons montèrent cette côte, l'arme au bras, et arrivés à distance, ils souhaitèrent le bonjour à la première ligne par des feux de bataillon, puis la baïonnette croisée sur la première ligne des Russes en battant la charge. La musique se faisait entendre sur l'air « On va leur percer le flanc ». Les tambours répétaient « Rente en plan, tire-lit, rente en plan, on va leur faire percer le flanc, que nous allons rire ». Du premier choc, nos soldats enfoncèrent la première ligne et nous derrière les soldats, la seconde ligne. On perça le centre de leur armée et nous fûmes maîtres du plateau de Pratzen. Mais notre aile de droite souffrit beaucoup. Nous les voyions qui ne pouvaient monter cette montagne si rapide. Toute la garde de l'empereur de Russie était en masse sur cette hauteur. Mais on nous fit appuyer fortement à droite. Leur cavalerie s'avança sur un bataillon du 4e qui couvrit de ses débris le champ de bataille. L'empereur l'aperçoit et dit au général Rapp de charger. Rapp s'élance avec les chasseurs à cheval et les mamelucs délivrent le bataillon, mais est ramené par la garde russe. Le maréchal Bessières part au galop avec les grenadiers à cheval, qui prennent la revanche. Il y eut une mêlée pendant plusieurs minutes. Tout était pêle-mêle, on ne savait qui se remettre, mais nos grenadiers furent vainqueurs et ils revinrent se placer derrière l'empereur. Le général Rapp vint couvert de sang amenant un prince avec lui. On nous avait fait avancer au pas de charge pour soutenir cette lutte. L'infanterie russe était derrière cette masse, et nous croyions notre tour arrivé, mais ils battirent en retraite dans la vallée des étangs. Ne pouvant pas passer sur la chaussée qui était encombrée, il leur fallut passer sur l'étang de gauche en face de nous, et l'empereur, qui s'aperçut de leur embarras, fait descendre son artillerie et le 2e régiment de grenadiers. Nos canonniers se mettent en batterie. Voilà boulets et obus qui tombent sur la glace. Elle cède sous cette masse de Russes qui se voient forcés de prendre un bain. Le 2 décembre, toutes les troupes tapaient des mains et notre Napoléon se vengeait sur sa tabatière. C'était la défaite totale. la journée se termine à poursuivre et prendre des canons, des équipages et des prisonniers. Le soir, nous couchâmes sur la belle position que la garde russe occupait le matin, et l'empereur donna tous ses soins à faire ramasser les blessés. Il y avait 2 lieues de champs de bataille à parcourir pour les ramasser, et tous les corps fournirent du monde pour cette pénible corvée. Le soir, nous allâmes chercher du bois et de la paille dans un village, sur le revers de cette montagne, qui fait face aux étangs. Il fallait descendre rapidement. On ne voyait pas pour se conduire. Mais nos maraudeurs trouvèrent des ruches, et pour prendre le miel, ils mirent le feu à un hangar immense. L'incendie nous éclaira pour transporter tout ce dont nous avions le plus grand besoin, pour passer une nuit glaciale, et pour remonter des sentiers tortueux. Ne trouvant pas de vivres, je m'emparai d'un grand tonneau en sapin. Je prends un lit de plumes, je le fourre dans mon tonneau et le fais mettre sur mon dos par des camarades. Puis je remontai la côte. Ce malheureux tonneau roulait sur mon dos, mais j'eus le courage d'arriver à mon bivouac. Je déposai mon fardeau et mon capitaine Renard vint de suite me prier de lui donner place dans mon tonneau. Je repars de suite au village et rapporte une charge de paille que je mets dans mon tonneau, puis je mets le lit de plumes. Nous nous fourrons la tête dans le fond et les pieds près du feu. Jamais on n'a passé une nuit plus heureuse. Mon capitaine disait « Je me rappellerai toute ma vie de vous ». Le lendemain, nous partîmes pour Austerlitz, pauvre village couvert en paille, avec un vieux château. Mais nous trouvâmes 600 moutons dans les écuries de ce manoir, et la distribution en fut faite à la garde. L'empereur d'Autriche vint là trouver Napoléon. Après que les deux empereurs se furent entendus, nous partîmes pour Vienne à journée raisonnable, et nous arrivâmes à Schönbrunn, dans ce beau palais où on nous laissa reposer jusqu'au règlement des affaires. La garde eut l'ordre de rentrer en France par étapes à petite journée. Quelle joie pour nous, et bien nourris. Mais l'armée ne rentrait pas. Il fallait que la paix fût signée, et nos troupes eurent le temps de se refaire. Les étapes n'étaient plus de 20 lieues. C'était bien commode pour nous de trouver la nourriture prête en arrivant. Nous fûmes bien reçus en Bavière, et nous repassâmes le Rhin avec des transports de joie en revoyant notre patrie. Nous fûmes reçus à Strasbourg et fêtés de ce bon peuple. Je fus droit à mon logement, où j'avais laissé mes affaires en passant. Je trouvais tout dans un état parfait. Ces braves gens me tâtèrent et me disaient « Vous n'êtes pas blessé ?» Leur demoiselle disait « Nous avons prié pour vous. Tout votre linge est bien blanc et vos boucles d'argent sont brillantes. Je les ai fait nettoyer par l'orfèvre. Eh bien, ma jeune demoiselle, je vous rapporte de Vienne un joli châle que je vous prie d'accepter. » Elle devint rouge devant sa mère. Le père et la mère étaient ivres de joie. Je leur dis « Si j'étais mort, c'était pour votre demoiselle. » Il me prit par la main. « Allons au café, me dit-il. La garde fait ses jours, vous aurez le temps de vous reposer. » Ce beau châle me venait du château impérial où j'avais été en sauvegarde. La dame me demanda si j'étais marié. Je lui dis « Oui, madame. Je vous ferai un cadeau pour votre épouse, pour votre conduite avec mon mari. » Nous nous dirigeâmes sur la belle ville de Nancy et de Nancy à Épernay. On détacha le premier bataillon au Bourdaï, à une lieue d'Épernay. C'est là qu'on récolte le vin mousseux. Cette ville est très riche par le produit de ses vins. Il y avait 15 ans qu'il n'avait logé de troupes. Il n'est pas possible d'être mieux reçu que nous. Ils ne voulurent pas que la garde dépense rien. Ils se chargèrent de tout défrayer. « Vous ne boirez pas de vin mousseux, dirent-ils, mais ce soir nous verrons. Soyez tranquilles, vous serez régalés. » Le soir, après dîner, le vin mousseux arrive, et les propriétaires furent obligés de mener leurs soldats couchés en les conduisant par-dessous les bras. Ils n'avaient plus de jambes. Le lendemain, tous les propriétaires nous firent la conduite avec leurs domestiques qui portaient des paniers de vin. Et nos officiers furent obligés de prier ces braves gens de s'en aller. Nos ivrognes tombaient dans les fossés. C'était un désordre. Il fallut 3 heures de repos dans la plaine à 2 lieues d'Épernay pour donner le temps de rejoindre, et les propriétaires d'Aï furent obligés de ramasser et de ramener nos traînards. Nous ne fûmes réunis que le lendemain, mais personne ne fut puni. Nous arrivâmes à Meaux, en Brie, où nous fûmes bien reçus. J'étais seul. Je vais présenter mon billet de logement dans la rue Basse, qui va à Paris. Je fais lire mon billet comme je ne savais pas lire. Un gros monsieur me dit « Cette dame est riche, mais elle va vous mener à l'auberge. Tenez, allez à cette boutique de serrurier. » Je me présente chez ce serrurier et lui montre mon billet. « Mon brave, dit-il, ma propriétaire va vous mener à l'auberge. Soyez tranquille, j'espère convenir à cette dame. Vous viendrez me voir dans 1 heure. Mais vous n'y serez plus. Vous verrez cela sans bruit. » Je monte au premier. « Madame, je vous salue, voilà votre billet. Mais monsieur, je ne loge pas. Je le sais, madame, mais je suis bien fatigué. Je vais me reposer un peu. Si madame voulait avoir la bonté d'aller me chercher une bouteille de vin, voilà 15 sous, et je partirai après. Elle va, avec mes 15 sous, me chercher une bouteille, et aussitôt sortie, je mets habit bas et mon mouchoir autour de ma tête. Je me fourre dans son lit, et me mets à trembler de toutes mes forces. Voilà madame qui arrive. Me voyant dans son lit, elle fit un cri. Elle fut chercher ses locataires qui avaient le mot. Ils lui dirent, il faut lui faire chauffer du vin bien sucré, et lui mettre le pot au feu pour lui faire du bon bouillon, le bien couvrir, c'est un fort frisson. Les malins se régalèrent aux dépens de l'avare. Le soir, on vient me visiter, et la dame passait la nuit dans son fauteuil. Le lendemain, madame me remit les 15 sous, et l'on me fit la conduite. Les voisins furent enchantés de la farce que j'avais jouée. Nous arrivâmes à Claye, et de Claye à la porte Saint-Denis, où le peuple de Paris nous attendait. On nous avait fait dresser un arc de triomphe. Nous trouvâmes aux Champs-Élysées des tentes et des tables servies de viande froide, avec des vins cachetés. Mais le malheur voulut que la pluie tombât tellement fort que les plats se remplissaient d'eau. Nous ne pûmes manger. On faisait sauter les coups de bouteille avec les bouchons et on buvait debout. C'était pitié de nous voir, tous trempés comme des canards. Nous partîmes pour Courbevoie, 3 bataillons. Un resta pour faire le service. L'empereur nous donna du repos et nous fûmes habillés tout à neuf. Nous passâmes de belles revues et la bonne ville de Paris nous servit un dîner magnifique sous les galeries de la place royale. Rien n'y manquait. Le soir, comédie gratis à la porte Saint-Martin. On nous donna pour représentation le passage du mont Saint-Bernard. Et nous vîmes les bons moines qui descendaient de cette montagne avec leurs gros chiens qui les suivaient. En voyant ces bons capucins et leurs chiens, je me croyais encore à traîner ma pièce de canon. Je tapais des pieds et des mains. Mes camarades me disaient « Vous êtes donc fou ?» Je répondais « Mais je les ai vus au mont Saint-Bernard, ces beaux chiens, et voilà les mêmes capucins. » L'appel ne se fit qu'à 2 heures du matin. Personne ne fut puni et toutes les petites escapades furent pardonnées.